L'actualité à Nancy et ailleurs. La colocation pour les seniors se développe en France. À Nancy, une association œuvre dans ce sens. C'est Un Toit Partagé. Yoann Blanche, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur donc de l'association Un Toit Partagé, une association qui a été créée aux alentours de 2014, c'est bien ça? Tout à fait. On a créé l'association fin 2014 et on est entré en activité à la fin de l'année 2015, début d'année 2016. Et vous êtes à l'origine donc de ce projet associatif. Est-ce que vous pouvez déjà dans les grandes lignes nous expliquer un peu en quoi ça consiste? Alors l'association Un Toit Partagé est née sur l'idée de la colocation entre seniors, qui était encore peu répandue en France à cette époque-là et qui a commencé à faire plein de petits tout au long de ces années. Un mode de vie pour les seniors pour rompre isolement et solitude qui existait déjà dans beaucoup de pays voisins. Ça reste assez peu démocratisé en France, ce dispositif? Alors ça émerge de plus en plus. Nous avons développé une plateforme en 2017 qui s'appelle colocationseniors.fr sur laquelle nous avons eu plus de 18 000 usagers depuis bientôt 4 ans. Donc on voit qu'il y a quand même une demande. Après on voit aussi un blocage par rapport à l'offre et par rapport au type de logement qui s'adapte justement à la colocation et à pouvoir sauvegarder une certaine intimité de nos aînés. Alors expliquez-nous justement comment fonctionne cette colocation pour votre association. Alors nous avons vraiment un rôle de ressource à pouvoir fournir des outils et essayer d'aider les seniors dans la construction de leur projet de vie, les aider à trouver un ou une colocataire ou même plusieurs, leur fournir les outils nécessaires à une bonne cohabitation, que ce soit les outils juridiques, que ce soit également les petits outils au quotidien sur la répartition des charges, sur comment s'entendre, comment définir nos limites communes et nos valeurs communes, afin que la cohabitation puisse se passer le mieux possible. Quand on parle de senior, on parle des plus de 55 ans, c'est ça? On a ce mot senior où on peut imaginer tout de suite la personne presque en perte d'autonomie, mais on est vraiment sur un public qui est très intéressé entre 55 et 70 ans, qui représente l'essentiel de nos usagers. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée, l'envie de vous investir justement dans ce projet de colocation pour les seniors? Alors l'idée était vraiment d'essayer d'apporter une solution pour rompre les situations d'isolement et de solitude. On connaissait déjà l'intergénérationnel et donc on a voulu partir aussi sur l'intragénérationnel parce que lors de nos études et de nos analyses un petit peu de ce qui se passait autour de chez nous, on voyait que la cohabitation entre seniors prenait vraiment une place très très importante. En Allemagne, c'est près d'un demi-million de seniors qui vivent de cette manière-là. Alors que l'intergénérationnel en Allemagne concerne 100 000 seniors sur l'ensemble du pays. Et donc, quelle est la situation maintenant, aujourd'hui, sur le bassin nancéen, celui que vous allez connaître? On a des usagers au niveau du bassin nancéen, mais on a également d'autres usagers sur d'autres régions. Oui. On a beaucoup d'usagers au niveau de la zone géographique Nantes, La Rochelle, mais au niveau de la Vendée, sur ces coins-là et sur le bas de la Bretagne. On a également beaucoup d'usagers dans le sud, de Toulouse jusqu'à Nice. Beaucoup aussi sur la vallée du Rhône et puis Île-de-France et également sur le nord. Et on en a de notre côté aussi, sur l'est de la France et principalement sur la Meurthe-et-Moselle et l'Alsace. Donc on voit qu'il y a cette dynamique qui se met en place, mais qui se confronte quand même à une absence d'offre immobilière adaptée. Parce que la cohabitation, oui, on veut bien la faire. Parce que derrière, il y a aussi un intérêt économique, il ne faut pas le négliger, mais pas non plus dans n'importe quelle condition. À 55 ans, on aspire à une intimité peut-être supérieure à lorsqu'on a 18-20 ans. Donc chacun aimerait avoir aussi sa chambre ou une grande chambre, pouvant y mettre aussi un petit salon, et avoir son sanitaire et sa salle d'eau. Chose qui est très rare à trouver, et lorsqu'on trouve, ça commence à coûter très cher. Donc on voit par contre les bailleurs et les promoteurs qui commencent à s'y intéresser. Sur Strasbourg, un bailleur social a créé spécialement un logement pour 8 colocataires avec une grande pièce commune, mais chacun a comme un petit studio indépendant. C'est vraiment des initiatives qui se développent de plus en plus, principalement en dehors de la Lorraine. Et on espère qu'en Lorraine, les promoteurs et les bailleurs sociaux pourront développer ce type d'initiative prochainement. Parce que la demande des seniors, justement, elle est là, mais c'est vraiment les lieux, les habitations qui manquent aujourd'hui, et la solution, elle vient de ces promoteurs? Exactement. on voit une demande, on le voit à travers aussi notre plateforme, même si ça reste à l'échelle du pays, on va dire un marché de niche, il y a quand même une forte demande qui pourrait être supérieure si on avait justement une offre qui pouvait être adaptée, mais adaptée aussi bien techniquement en termes d'agencement qu'adaptée aussi en termes de prix. Parce que trop souvent, on commence à voir des projets de colocation entre seniors à 600, 650, 700 euros par personne. Mais là, du coup, l'intérêt économique disparaît. Donc le rôle d'un toit partagé, c'est de trouver ces lieux pour répondre à cette demande ? Alors le rôle de l'association est vraiment d'être plateforme ressource, de pouvoir mettre en relation les différents interlocuteurs. On accompagne également des projets de petits promoteurs, de porteurs de projets, on va dire, uniques, de cohabitation entre seniors, où justement on peut les alerter également sur les prix, sur le type d'agencement, sur ce qui peut être demandé, et sur ce qu'on voit et ce qu'on retransmet à travers justement notre plateforme. Mais on s'attelle également à regarder tout ce qui va être en faveur d'un vieillissement actif, et à essayer d'apporter des solutions un peu plus transverses, à essayer de les expérimenter pour que d'autres partenaires puissent s'en emparer. L'idée étant vraiment d'apporter des solutions que l'on va nous suivre ou que d'autres partenaires vont suivre. Comment on peut faire pour avoir bien plus d'informations, pour poser des questions et en savoir plus donc sur ce principe de colocation pour les seniors ? Alors on peut aller sur le site internet untoitpartagé.fr sur lequel il y a énormément de renseignements. Il y a également un chat en ligne qui est possible et où on retrouve l'ensemble de nos coordonnées. Après plus de 5 ans maintenant d'existence, il y a des projets ? Alors il y a un projet aussi de restructuration au niveau de l'association parce qu'on avait énormément d'actions de terrain avant Covid. Chose qui est beaucoup plus difficile à réaliser actuellement. Donc on repositionne certaines de nos offres. On a également un spin-off qui sort de l'association, qui s'appelle Écoplacement, qui a pour finalité de créer des petites résidences intergénérationnelles à des prix accessibles et dans des biens qui vont aussi respecter les personnes. Donc dans des biens qui respectent les personnes, c'est-à-dire dans des logements existants, qui auront connu une éco-rénovation passive, donc avec, à terme, très peu de charges énergétiques, avec uniquement des matériaux biosourcés, et ce projet est aussi soutenu par la NEF, donc, qui est une banque coopérative solidaire, et fait déjà l'objet d'une levée de fonds de près d'1 million d'euros. Donc on va avoir un projet pilote à Saverne, donc on travaille également étroitement avec la municipalité qui nous appuie énormément, et où on doit sortir cette année donc cette première forme de résidence intergénérationnelle dans un cadre respectueux au niveau de l'environnement et accessible également au niveau financier. Merci beaucoup. On va bien sûr retrouver toutes les infos. Vous avez cité les adresses internet, un toit partagé et la page Facebook. On trouvera bien sûr tout ça sur le site de la radio. Johan Blanche, merci. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.